Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bid-Ammaj au Yémen, cours numéro 23. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وأهله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان يوم الدين أما بعد. Là on rentre dans le درس الثالث والعشرون. C'est un درس qui est simple, الحمد لله. Donc on va lire et تذكر مكان الطلاب تذكر مكان المدرس. طيب. تفضل. جعفر. أين المدرسون؟ لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. Donc Jafar le dit, où sont les enseignants? Ils ne sont ni entrés dans la classe et ils ne sont ni dans la pièce des enseignants. Adnan, أظن أنهم في اجتماع. أرأيت المدرسين الجدد؟ Et donc Adnan dit, je pense qu'ils sont en réunion, اجتماع sur les réunions. Est-ce que tu as vu les nouveaux enseignants? أجاء المدرسون الجدد؟ La fois elle dit, est-ce que les nouveaux enseignants sont venus? نعم Adnan. نعم. جاء خمسة مدرسين جدد. رأيت أحدهم في المكتبة قبل قليل. اسم الحسين بن الحسن. Donc Adnan dit oui. Sont venus cinq nouveaux enseignants. J'ai vu l'un d'entre eux dans la bibliothèque il y a peu de temps. Il s'appelle, son nom est Al-Hussein ibn al-Hassan, fils de Hassan. Il est trouvé l'un des mudarrisin al-Judud. Donc l'un des enseignants nouveaux rentre. Et il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya ustad. Non, ça c'est connu par entendu. Yakul le mudarris. Ashkurukum ya ikhwanu. Kam taliban fi faslikum hadha. Donc il dit je vous remercie, ô les frères. Combien d'étudiants dans votre classe? Fihi 30 taliba. Il y a 30 étudiants. Mudarris yakul. Walakinnani ara 25 taliban faqat. فأين الآخرون؟ Dit cependant moi je vois 25 étudiants seulement. Où sont les autres? هم غائبون اليوم. Ils sont absents aujourd'hui. Dans le siècle. أي كتاب تقرؤون؟ Quel livre êtes-vous en train de lire? نعم. Adnan. Adnan. نقرأ هذا الكتاب اسمه قصص النبيين. Donc il dit nous lisons ce livre qui s'appelle les contes des prophètes. Dans le siècle. L'imam هو de qui est-il? هو لفضيلة الشيخ أبي الحسن الندوي. Donc il dit il est pour son cher, son éminence cher, Abu al-Hassan al-Nadawi. Dans le siècle. كم صفحة قرأتم فيه؟ Combien de pages avez-vous lu dedans? جعفر قرأنا 53 صفحة. Il dit nous avons lu 53 pages. عدنان الكتاب فيه 90 صفحة قرأنا منها 53 صفحة فبقي 37 صفحة. Donc Adnan dit le livre contient 90 pages. Nous avons lu nous en avons lu 53 pages et les restes 37 pages. Harun. Harun. ما أجمل حقيبة يا حقيبتك يا أستاذ. Donc Harun dit comme ta sacoche est belle au professeur, combien as-tu acheté? Dans le Yakul, tu l'as acheté par de 80 riyals. Pour 80 riyals. Hashim. Non. اشتريت بمثلها ب70 ريال. Donc il dit moi je l'ai acheté, j'ai acheté la même pour 70 riyals. Amr. أنا اشتريت حقيبة أصغر منها بستين ريالا. نعم. عمر دي j'ai acheté une petite sacoche, une sacoche plus petite que celle-ci pour 60 ريال. نعم. الأسئلة إن شاء الله اللي غادي. Donc maintenant il va te faire comprendre déjà مذكر سالم lorsqu'il est مرفوع comment il est, lorsqu'il est منصوب comment il est, lorsqu'il est مجرور comment il est. C'est quoi le signe de son irab? Donc c'est facile. Très facile. Quand il est marfou, c'est comment? C'est qu'un waouh. Alors tu dis Al-Mudarrisuna. Quand il est mansoub et majrour, il est pareil. Ça va être quoi avec un ya? Ça va être quoi? Al-Mudarrisina. T'as vu, ça dépend de ce qu'il y a devant. Donc là, on va commencer par. Il vient avec le Rof Awalen. Il dit Fanyan, Ikrol Amset al-Atiya, Lijam Muzakar Salim. Vas-y, lis-les. Et traduis-les si tu peux. Al-Mudarrisuna fil Fusul. Les professeurs sont dans les classes. Naam. Aïn al-Muhandisun, où sont les ingénieurs? Naam. هؤلاء طلاب مجتهدون يعني ceux-là sont des élèves studios. Hein? Non. C'est ça, ces étudiants sont studieux. Ouais, ces élèves sont studieux, non. أين أحمد وعباس ويسار؟ ويسار. هم غائبون منذ أسبوعين. يعني où sont Ahmed, وعباس ويسار؟ يعني ils sont absents depuis deux semaines. Mm-hmm. Hmm? خامس يعبد المسلمون الله بل المسلمون أدعى الله هؤلاء الطلاب هنود وأولئك باكستانيون يعني ces élèves sont des indiens sont d'Inde non non sont de l'Inde ou des non c'est des indiens ouais je suis bien indien ouais non et ceux-là sont des pakistanais non donc comme tu vois le Jamuzakar Salim tout simplement, il est très simple à appliquer. Tu prends le mot mufrad au singulier, tu rajoutes un wa ou un nun à la fin si c'est le marfour, ou un ya et un nun si les majrour ou mansoub. Nam. Donc là, il te dit quoi? Falisan. Ijmal asmal atiata jam zakar saliman. Donc là, il te dit quoi? De rendre les mots qui suivent en jam zakar salim. Mudarris. Mudarrisoun. Nam. Muhandis. Muhandisoun. Muslim. مسلمون كافر كافرون غائب غائبون مجتهد مجتهدون مؤمن مؤمنون صالح صالحون نعم et sache que des mots en langue arabe peuvent avoir plusieurs pluriels des fois ils peuvent avoir un jam muzakkar salim des fois ils peuvent avoir un jam taksir et même un jam taksir peut en avoir plusieurs c'est pas obligé par exemple kafir t'as kuffar tu peux dire kafirun tu peux dire les deux tant même maintenant il te rapporte quoi d'autres règles qui se rapportent au nombre. Le nombre qui vient après quoi? Après le nombre rond, comme Ishroun, 20, Salasoun, 30, Arbaoun, ainsi de suite. C'est quoi le hukm du mardou, du dénombré? Ce qui va être tamiz. Par exemple, il dit Ishrouna taliban. Ou talibatan. 20 étudiants ou étudiantes. Salasouna taliban. Ou talibatan. 30 étudiants ou étudiantes. Arbaouna taliban. Ou talibatan. 40 étudiants ou étudiantes. 50 étudiants ou étudiantes. 60 étudiants ou étudiantes. 70 étudiants ou étudiantes. 80 étudiants ou étudiantes. 90 étudiants ou étudiantes. Et quand tu vois la 20, 30, 40, 50, 60 ila akhiri, eux, ils prennent comme règle, dans les arabes du nombre en lui-même, les règles du Jam Zakar Salim. Mmh. Un wa ou un nun quand il est marfour, et un ya et un nun quand il est mansoub ou majrour. Et ça, ça se dépend ce qui vient avant lui. Vous voyez? Ça dépend ce qui vient avant lui. Mais c'est pas un Jam Zakar Salim. Ça s'appelle Al-Mulhaq du Jam Zakar Salim. C'est-à-dire qu'il se rapproche de lui, s'attache à lui, mais il n'en fait pas partie. Parce que le Jam Zakar Salim, il y a des conditions, et lui ne remplit pas toutes les conditions. Et ça, Inch'Allah, tu verras dans Al-Mutamima. Khamisan dit Ta'amel Mayali. Donc là maintenant il veut te faire quoi? Montrer les alamat al-Rof ou alamat al-Nasb ou al-Jar dans le Jam Muzakkar Salim. Où sont Mulhaq? Il dit Marfou. Dakhala al-Mudarrisu. Donc là, Mudarrisu, il est Marfou. Alamat al-Rafi, Adamma, ce qu'il est fa'il. Quand il est Mansoub, tu dis Sa'altou al-Mudarrisa. Là il est Mansoub parce qu'il est Marfou bihi. Alamat al-Nasbihi, al-Fatha. Et Majrour. Kultu lil mudarrisi. Là, il est majrour à cause du lem, harf al-jar. Wa alamatu jarrihi, al-kasra. Ensuite, avec Jam Muzakkar Salim, il dit Dakhala al-mudarrisuna. Donc, il est marfou. Wa alamatu rafihi, al-waw. C'est le waw. Sa'altu al-mudarrisina. Là, il est mansoub parce qu'il est mafoul bihi. Wa alamatu nasbihi, al-ya. Kultu للمدرسين. Donc là, il est majrour à cause du lem, harf jar, wa alamat jarrihi, al-ya. Dakhala 20 taliban. Il est où le fa'il là ? Aina dakhala 20 taliban. 20 étudiants sont rentrés. 20 20 nam, c'est pas taliban. Donc il est marfou, il prend les, comme je dis, prend les mêmes règles que le jamzaka salim. Donc il est marfou, wa alamat rafi'i, al-waw. Et taliban, c'est un tamiz. طيب ستاميز سألت 20 طالبا j'ai interrogé 20 étudiants. Donc là 20 il est مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. قلت ل 20 طالبا j'ai dit à 20 étudiants. Donc là 20 il est مجرور à cause du لام حرف جر وعلامة جره الياء. طيب مفهوم هذا. سادسا يجي أكمل الجملة الآتية بوضع الكلمات التي بين قوسين في أماكن الخالية. Donc il dit quoi? Tu mets des mots qui entre parenthèses dans les trous. مثلا سألت المدرسين. À la base, ça avait المدرسون entre parenthèses. Donc là, ils ont mis quoi? المدرسين. Et tu mets que l'irlob, la vraie irlob qui correspond. Tu vois, la jumelle où là? Et il traduit l'inchallah si tu peux. يحب المدرس الطلاب المجتهدين. نعم. Alors ça, donc le professeur aime les élèves studieux. Non, pourquoi la mouchtahidine il est en dessous? Pourquoi? C'est un art. Non, c'est un art de tout l'élève qui lui m'a fait le bail. Arsène. Thanyan. Ra'aytu 30 taliba. Non. J'ai vu 30 élèves. Pourquoi il est en dessous? Parce que c'est un dessous. Parce qu'il est m'a fait le bail. Arsène. Thalithan. يعني يحب الله المسلمين. يحب الله. نعم. المسلمين. نعم. هل تفكر أنني قلتها؟ نعم. نعم. يحب الله المسلمين. أنا سمعت هذا اللغة. وكم مسلمين اللي منصوب؟ إنها مفعول به. أحسنت. رابعاً. يعني قرأت 50 صفحة. J'ai lu 50 pages. Faut pas dire صفحة. Où tu dis 50 صفحة؟ Ou safhatan. Je peux dire safhata. Parce qu'il n'y a pas d'alif. Sur le temar bouta. Donc on dit safha ou safhatan. Avec le tanouin directement. Safhatan. Tu dis, tu t'arrêtes sur l'alif quand c'est un mot qui prend un alif tanouin. Mais là, avec le temar bouta, il n'en prend pas. Toyeb. Khamisan. Sahel tout le mouhandissin. Non. Mouhandissin est mansoub, pourquoi? Parce que ça me fait envie. Toyeb. سابعا تأمل المثال ثم أضيف الكلمات الآتية إلى الكلمات التي بين قوسين. Donc là il veut que tu fasses quoi? Un modof, modof ilay. Et les mots qui sont entre parenthèses, tu les mets modof ilay. Par exemple, il dit Abna el mudarris. Donc là, Abna il est modof, et mudarris il est modof ilay, donc il est majrour. Si tu le mets avec le djamouda kalsalim, tu vas dire quoi? Abna el mudarrisina. Là il est majrour parce qu'il est modof ilay. Taïb, je mets l'oula. Bouyout, entre parenthèses, muhandisoun. Comment tu dis? Bouyout al-muhandisin. Non, les maisons des ingénieurs. Seyyarat al-mudarrisouna. Seyyarat al-mudarrisin. Non, les voitures des enseignants. Emir al-mu'minouna. Comment tu dis? Emir al-mu'minin. Non, le chef des croyants. Imam al-muslimouna. Imam al-muslimin. Non, l'imam des musulmans. Ou le guide, ou le chef, ça peut être aussi le chef, le gouverneur. Khamisan. Dakakin. البقالون دكاكين البقالين نعم البوتيك دي ريبيسي دينو الكافرون دينو الكافرين نعم طيب ثامنا تأمل المثال ثم أكمل الجملة الآتية بوضع الكلمات التي بين قوسين في الفراغات. Donc là pareil, il veut que tu mettes les mots qui sont entre parenthèses dans les trous. مثلا دي قلت للمدرسي. Donc là المدرسي va être quoi? Majrour à cause du lem. Et là, il le rend quoi en Jamuzakar Salim? Donc, tu veux dire quoi? Kultu il mudarrisina. Donc, là, il est majrour. Wa alamat jarrihi alia. Faddal, le jumel oula. Abhathu anil mudarrisin. Non, je cherche les professeurs. Ishtaraytu hada al kitab bi 50 riyala. Non, j'ai acheté ce livre pour 50 riyal. Kultu lil muhandisin. J'ai dit aux ingénieurs. سمعت هذا الخبر من المدرسين. J'ai entendu cette information des professeurs. نعم. نعم هذه الجائزة لطلاب المجتهدين. نعم. Cette récompense c'est pour les étudiants studieux. جائزة c'est une récompense. طيب. تاسعا إكرام يلي ثم اكتبه مع كتابة الأعداد الواردة فيه بالحروف. Donc en fait là, il t'a mis les chiffres en nombre et il faut que tu les mettes en lettres. Toi tu veux les lire directement. طيب. Et attention à lire l'arabe. عندي 50 ريالا. نعم j'ai 50 ريال. Elle est quoi 50 c'est quoi ce numéro 50 نعم عندي 50 ريالا. C'est un مبتدا. نعم مبتدا مؤخر احسنت. ثانيا رأيت 50 طالبا في القاعة. J'ai vu 50 étudiants dans la cour, c'est la cour ou la salle d'examen. Un des deux j'ai oublié. Donc c'est la cour. نعم. ثالثا اشتريت هذا المعجم ب 50 دولار. J'ai acheté ce dictionnaire pour 50 dollars. رابعا يعني قرأت 60 صفحة. نعم j'ai lu 60 pages. خامسا في هذه المجلة 40 صفحة. Dans ce magazine il y a 40 pages. C'est quoi l'arabe de 40 في هذه المجلة 40 صفحة. 40 c'est quoi ce arabe? Comment on a dit مبتدا؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. مؤخر. Pareil. سادسا في الشهر 29 يوم. 29 كوا 29 29 نعم 29 التنوين مرفوع 29 دي كوا مو 29 يوما او 30 يوما وفي اليوم 24 تنوين 24 ساعة في وفي الساعة 60 دقيقة وفي الدقيقة 60 ثانية. نعم. Puis dans le mois il y a 29 jours ou 30 jours. Et dans le jour il y a 24 heures. Et dans une heure il y a 60 minutes. Dans la minute il y a 60 secondes. ثانية c'est seconde. ثانية c'est seconde. سابعا هاتي 20 برتقالة. نعم. Donne 20 oranges. Ou 20 oranges. ثامنا نجح 90 طالبا ورسب 20 طالبا. Donc il dit ont réussi 80 étudiants et ont échoué 20 étudiants. تاسعا في هذه القرية سبعون أسرة. Dans ce village il y a 70 familles. نعم عاشرا سني 30 سنة. نعم mon âge est 30 ans. Quand on dit âge 30 ans. عاشرا إكرام يالي. Donc là maintenant il veut encore passer dans les règles des nombres. Et là il veut que tu raquises, tu te concentres sur le nombre qui est avant le nombre rond. Avant Echelon, avant Echelon, ou avant Salafoun, avant Tithoun, ainsi de suite. Tout à l'heure on a pris juste Echelon tout seul, Salafoun tout seul. Maintenant quoi? Il y a un autre nombre avec lui. Et maintenant il faut que tu quoi? Tu saches ce nombre-là, comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que tu le mets en Mouzabkar? Est-ce que tu le mets en Mouannef? Et en fait ces règles-là, c'est les mêmes règles que de 1 à 2 et de 3 à 10. Ils prennent les mêmes règles. Donc tu te rappelles des règles de 1 à 2 et de 3 à 10? De 1, 1, il suit le dénombré, pareil. Il nous accarde comme lui. Mm-hmm. Vous voyez? Moi, 9 comme lui. 2, pareil, il le suit. Sauf que tu le moussanna. Et de 3 à 10, il le contredit. Si le mardoud, il est le moins 9, le hadad, il va être mouzakkar. Vous voyez? Et si le mouzakkar, il va être moins 9. Donc là, il te dit quoi par exemple? Comme on dit 21, pour une chose qui est masculine ou féminine, là, il t'amène que le féminin, lui, apparemment. Voilà. Lui, il a mis que des exemples du féminin. Donc, par exemple, pour dire 21 choses, Femina, tu veux dire quoi? Ihda ou Aishruna Talibatan, par exemple. 21 étudiantes. Donc lui va être féminin comme le dénombré. Ton nombré c'est Mardoud, c'est Taliba. Donc lui va être Ihda ou Aishruna Talibatan. Tu dis Isnatan ou Aishruna Talibatan pour dire 22 étudiantes. Tu dis pas Isnan, tu dis Isnatan. Isnatan c'est le féminin ou Isnan c'est le masculin. Tu dis Falafun, bitanwin, ou Aishuruna Talibatan. Donc là, Falaf, il est quoi? En apparence, Muzakkar. Pourquoi? Parce que Taliba, il est moins neuf. Donc là, on reprend les règles du début. Il va le contredire. Et vice versa, hein. Ça aurait été des. Voilà, ça aurait été masculin et lui, il aurait été féminin. Par exemple, on dit Falafatuna ou Aishuruna Taliban. Ça aurait été le contraire. Ça, ils vont préciser, hein, pour aller, non? Après, dans le prochain verset, ils vont le mettre. Après, ils disent quoi? Arbaoun ou Aishuruna Talibatan. 24 étudiantes. Khamsun ou Aishuruna Talibatan, 25 étudiantes. Setun ou Aishuruna Talibatan, 26 étudiantes. Sab'un ou Aishuruna Talibatan, 27 étudiantes. Samani ou Aishuruna Talibatan, 28 étudiantes. Tis'un ou Aishuruna Talibatan, 29 étudiantes. Salasuna Talibatan, 30 étudiantes. Et quand il est rond, tout seul, il n'y a pas de différence. Muzakkar Mu'annas, c'est pareil. Aishurun, Salasun, Arba'un, Khamsun, ainsi de suite. Donc maintenant, il va vouloir quoi? Il dit, Hadashar, Ikrama yali, summaktubuhu, maaktabatil ardad, el walida, fiibil huruf. Donc là, tu vas faire comme le verset précédent, sauf que là, tu vas prononcer. Et attention au tanwin. Taïeb. Jumal oula, tfaddal. De toute façon, ils sont tous féminins, je crois. Donc. Fi hada fasli, ihda wa thalathuna talibata. Non, dans cette classe, il y a 31 étudiants. Fanyan, celui qui est à côté. Filium. Filium, Arbaoun. Arbaoun, Aishroun, Asa'atan. Non, dans la journée, il y a 24 heures. Andi. Andi, Salatun, Salatun, Salatun, Rubiyatan. Non. Non. Wahamsun, Arbaoun, Rialan. Non. Mais Rial, je ne sais pas s'il est. Apparemment, ils veulent mettre féminin, je ne sais pas comment il était féminin à Rial. Rabi'an, il dit ah ouais, j'ai 33 roupies et 45 Rial. Qabla itmatayn. Tu fais la liaison, tu dis Qobla Snatain. Si tu as mis ta tête, Qobla Snatain. Qobla Snatain ou Ashrina Sanatan. Non, je l'ai vu il y a 22 ans. Hafistu Situn ou Situn ou Sittina Suratan. Là. Où je me tire. Hein? Vas-y. Là. Comment ça? Hafistu. Hafistu, aïe. J'ai dit. Sittin. Qobla Hada. Quoi? Hafistu. Hafistu. Aïe wa. Pourquoi c'est quoi l'erreur que j'ai dit? Sitten ou Sittina Sura. Hein? Là il va être ma faute bille. Donc il va être en soub. C'est fini là. Il est plus ma faute. Hafistu. Sitten ou Sittina Sura. Ah tu parlais Sura là, c'est là où j'ai fait. Non. Tu l'as mis ma faute toi. Là il m'a faute bille maintenant. Non, j'ai dit Sittun ou Sittin. Ah ben, c'est ça que je te dis. Tu dis pas Sittun ou Sittin, tu dis Sitten ou Sittin. Les mansoub, avec une fatha. Ah, la kabbalah. Avec une dhamma. Ah oui. Fahimt. Sitten, là, tu parlais sur Sittin. Aïe, ouais. Sitten ou Sittin, Asura. Je ne l'ai pas fait, hein. Tu as dit Sittun. Avec non, une. Sittin, non, non, Sittun. Non, le premier. Que... Le voilà. Premier, tu as dit. Tu as mis Marfou avec une dhamma. Voilà. Donc c'est Sitten. Mais je ne suis pas plongé dans le deuxième. Sitten ou Sittin, Asura. C'est vrai que je n'ai pas pensé. Non, fi Surat al-Rahman. في سورة الرحمن اش كيفاش لي كونفوني بس 8 و 7 78 واه في سورة الرحمن 80 نعم ها و 70 نعم ايتا نعم دون سورة الرحمن الى 78 فيرس قرات 90 نعم. 99 صفحة. أحسنت. J'ai lu 99 pages. Les nombres là, c'est. Eh ouais, les nombres. C'est relou, les nombres. Il y a beaucoup d'arcane. Sans prendre le verse d'après, c'est que ça. C'est l'habitude, ça, non? Ah, le verse d'après, c'est un récapitulatif de tous les nombres. De toute façon. Après. Faut s'habituer. Les nombres, c'est. C'est une question d'habitude. Hein. C'est un méli-mélo, comme on dit, mais après. En fait, c'est pas dur. Faut juste se rappeler et mettre les choses en place. Ça y est. T'as un exercice. Dis-toi même Mayali. À la base, comment tu fais une nefi d'affir le mardi? Tu fais avec ma. Tu dis ma zahabtu, ma jalestu, ma akaltu, ma zahabtu. Et le mudari', tu peux le faire avec ma ou avec la. Et dans certains cas spéciaux, comme celui qu'on va voir maintenant, tu peux dire la pour affirmer mardi. Mais il y a une condition. Il faut que tu le répètes après. Il faut qu'il vienne deux fois le la. Comme il dit là, par exemple, il dit la akaltu ou la shalibtu. Toi, tu n'as pas le droit de dire « la akaltu », tu t'arrêtes, tu n'as pas le droit. Tu vas dire « ma akaltu ». Par contre, si tu veux mettre un « la », tu es obligé de le faire suivre par un autre « la ». Et non, ça dirait par quoi? Par « ni ». Par exemple, tu dis « la akaltu » ou « la shalibtu », c'est-à-dire « je n'ai ni mangé, ni bu », en fait. Mais si tu viens tout seul avec le « la » tout seul, le « nafi » tout seul, faire le mardi, tu ne mets pas « la », tu mets « ma ». Donc le « la », les « short », c'est que tu viens, tu le répètes deux fois, ou peut-être plus même, Allah alam. Donc il dit la akaltu wa la shadibtu. Je n'ai ni bu ni mangé ni bu. Zalika talibu la hafiza darsa wa la katabal wajibat. Donc cet étudiant n'a ni appris le cours ni écrit les devoirs. Falithan la darabani wa la darabtuhu. Il ne m'a ni frappé ni je ne l'ai frappé. Rabian la rani wa la ra'ituhu. Je ne l'ai pas vu, ni ne m'a vu. Donc hein? Tu vois, quand tu mets le lait, tu le répètes comme ça, nous on traduirait par ni. Non, c'est ni ne m'a vu, ni je ne l'ai pas vu. Ni je l'ai vu, à ça. Ni ne m'a vu, ni je ne l'ai vu. Vous voyez, on traduirait par quoi? Par ni. Et dans ce cas-là, tu peux mettre là, dans un film mardi. Juste dans ce cas-là. Donc il dit, dakhalat la ala al-fi'l mardi, wajabat takraruha. Amdan ihbar. Donc il dit, si la rentre dans un fi'l au passé, il est obligatoire de la répéter. C'est là ce que tu l'informes. Et quel est le mot Jadida? Ijtima'. Ijtima', c'est une réunion. Un rassemblement. Thania. Jam Thawani. C'est seconde. Attention, la Thania, c'est pas la deuxième. Ça veut pas dire la deuxième, ça veut dire seconde. Jam Thawani. Najaha Yanjahu, c'est réussir. C'est un verbe. Qissatun. Jam Qissas. C'est des contes, des histoires. Usratun, jam usar. Ça, c'est famille. Rasaba, yarsubu. Ça, c'est échoué. Vous voyez, échoué. C'est le contraire de najaha. Nabiyun, jam nabiyuna ou anbiya. Ça, c'est prophète. Tu peux avoir deux, tu as deux jam. Tu as jam zakar salim, nabiyuna ou jam taksir anbiya. Jaiza, jam jawaiz. Ça, c'est quoi? Une récompense. Qa'a, jam, qa'at. Ça, c'est la cour. Ou une salle d'examen. Je suis dans le doute entre les deux. Ma foum, donc le khulasu d'air, c'est pour jam zakar salim. Puis lorsqu'il est marfour, c'est avec un waw, mudarisuna. Quand il est mansoub, c'est avec un ya, mudarisina. Majrou, pareil, avec un ya. Et voilà. Ben ta'ala. Ilaha wa ilaha wa alhamdulillah.